fuck ça, braca ne fait plus bla bla. Braca, n'écoute plus tes salades. Braca veut compter les racas. Braca ne traîne plus rabat. Braca vient donner sa zakat. Et t'es braca, braca veut apprendre la salade. Si vous avez de l'amour en rap, braca est encore un peu sauvage. Les faux frères voulaient me mentir dans le rap. Tu dégoûtes du mic. Le futur d'un enculé dépend souvent du passé d'un bâtard. Écoute Harry, écoute, je devrais pas dire ça, mais on voulait me bloquer. Comment ça les hommes veulent fuck les hommes, pas ici, pas les rocs qui ont connu des rêves d'Europe, qui ont drogué, saigné, été pourchassé, encaissé les chocs. Tu serais surpris du nombre de fois on voulait me percer la coque. Tu es grand, pas les fiottes, c'est réel. Ce que tu propulses avec ta bouche devrait être évacué par les chiens. Le royaume des cieux appartient aux plus violents, à ceux qui savent se faire violence. Je tremble de colère quand je repense à l'époque où j'avais l'esprit du clan comme Esco. Pour un frère, je pouvais laisser qu'on perce ma porte, qu'on perce mon dos. Mais les négros te perdent ton temps. Il est temps qu'ils sachent qu'ils sont démasqués. Exécution sommaire dans mon camp. Je vais passer entre ces gens comme le sang passe entre les dents. Comprends. Apparition dans la nuit, flow magique, comprends. Fuck le rap, je suis un artiste, comprends. Cérébral ghetto clip, César Sharp classique. Les seigneurs de la paix, comprends. Les seigneurs de la paix, seigneurs de la paix. Entouré de frères et de seigneurs de la guerre, seigneurs de la guerre. A tous mes élites bikilis, j'ai eu ton message, mon frère. Gardez la force, que vous soyez ici ou là-bas. Tu m'as dit, l'Olaf met l'argent en propre. L'Olaf met l'argent en propre. Il est fou. Jackman, garde la force, mon frère. L'Olaf met l'argent en propre. Mes frères, Fanfan, Nico et Bengu, gardez la pêche, négro. L'Olaf met l'argent en propre. Si. Beto, dis Georges le sable. Georges le sable. L'Olaf met l'argent en propre, mon frère. Si. Et mes gars, tous mes frères des blocs, Almam, Alino, Mara, Kalilou, L'Olaf, je vous dis bien, L'Olaf met l'argent en propre, les gros. Putain. L'Olaf met l'argent en propre, mec. Mais n'oublie pas que seul Dieu rend grand. J'ai une grande famille et je l'aime. Tous mes gars des HLM, tous mes gars des quartiers pop, quartiers populaires d'Afrique, tous mes gars dans leur pasta, qui savent que l'Olaf met l'argent en propre.